Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Caprice de lecture. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sophie Louvière. Bonjour Sophie. Bonjour. J'espère que ça va. Mais ça va très bien. Oh, super, malgré le mauvais temps. Alors, déjà merci d'avoir accepté cette invitation. On va faire une petite interview en 5 questions qu'on entrecoupera, comme d'habitude, donc de petites pauses musicales. Alors, on commence, première question. Vous êtes nancéienne d'origine et vous avez fait vos premiers pas d'écriture de fiction à la radio. Alors, moi, ça m'interrogeait, pourquoi ce choix ? Moi, ce n'est pas un choix, c'est une possibilité qui s'est offerte à moi lorsque j'avais 18 ans, je crois. 18-19 ans, j'ai eu l'occasion de rentrer à Radio France Nancy Lorraine, qui est l'ancêtre de France Bleu Lorraine Sud aujourd'hui. D'accord. Et on m'avait donné un créneau que je pouvais remplir à ma fantaisie. Alors, le choix que j'ai fait, c'est de proposer d'enregistrer en direct des fictions avec un invité. Alors, c'était des personnalités de Nancy et des environs. Mm-hmm. Ça pouvait être des comédiens, des directeurs de théâtre. Et je les mettais dans la peau de personnages que j'allais chercher dans les résumés de films noirs américains des années 40 sur les fiches de Monsieur Cinéma. Voilà, c'est très, très restreint, c'est des tout petits synopsis. Et à partir de là, sans même avoir vu les films, j'extrapolais et j'écrivais une trame de fiction radiophonique que nous enregistrions, enfin, qu'on diffusait en direct. Les techniciens s'arrachaient les cheveux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bande-son numérique. Donc, il fallait caler le bruit de la porte qui s'ouvre sur le 33 tours sur lequel il y avait 30 plages avec les différents bruits. Donc, vraiment, j'ai rendu des techniciens très malades et je m'excuse encore. Et, mais ça les amusait beaucoup. Il y en a qui trouvaient ça formidable de se lancer pareil défi. Ouais. Ah, c'est super. Alors, L'Enfant au caillou, votre premier roman, dès sa sortie, a eu une renommée et un retentissement international. Et il est disponible, alors j'ai lu ça, dans une vingtaine de pays. À quand une adaptation au cinéma ? Est-ce que c'est en cours ? Est-ce que... Ça fait partie des projets ou des fameux... comment dire ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire l'idée qu'un jour, le film se fera. Il y a eu plusieurs projets. Un premier projet avec Catherine Deneuve, un second avec Josiane Balasco, et puis pour des raisons qui ne sont pas du tout propres au film, mais plutôt à la conjoncture, aux difficultés aujourd'hui que rencontre le cinéma, et puis au fait que c'est un roman noir, et c'est pas toujours facile de présenter un roman noir comme ça, oui. Une adaptation, il faut une société de production derrière qui ait l'habitude d'en produire, et puis qui ait l'air insolite. On trouve pas forcément de diffuseur pour du roman noir en France, c'est plus facile aux États-Unis. Donc voilà, mais bon, ça se fera, c'est certain, ça okay. se fera. Mais c'est pas mon premier roman, c'est mon cinquième roman, puisque le premier a été publié en 99 dans la collection Le Poulpe, parce que c'était La Petite Fille aux Oubliettes. D'accord. Alors, désolée pour l'erreur, c'est pas le grave. Premier. Tourner autour de la radio pendant 10 minutes à pieds joints. Voilà. C'est ma punition. Je vous propose tout de suite une petite pause musicale avec Coldplay. My universe. All the meaning and the pureness of chair. 모르는 놈 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby Prise de lecture sur Fadjet. Alors, nous poursuivons cette émission avec Sophie Loubière, que je soumets à une interview musclée. Alors, troisième question. Donc, votre dernier roman, De cendre et de larmes. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai vraiment vécu une espèce de montagne russe émotionnelle. Et puis, ça avait un peu des faux airs de... Voilà, une espèce d'une oppression dans cette maison, un peu comme Shining. Moi, j'ai eu peur toute seule chez moi. j'avais quand même une question. Olia, oui. Donc, elle sort du champ sur la fin du livre. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait imaginer une suite avec les aventures d'Olia qui pourrait retrouver donc, le jeune garçon de la famille où il a perdu sa trace? Hey, vous allez l'écrire, je pense que c'est... Une bonne idée. En fait, c'est un personnage c'est un personnage qui passe. Je l'ai imaginé comme E.T. Je ne sais pas si vous faites le rapprochement, c'est pas évident entre mon roman et E.T., c'est sûr, mais moi je le fais parce qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Elliot dans E.T. et un petit garçon qui s'appelle Elliot dans De cendre et de larmes. Le point commun de ces deux garçons, ce sont deux pétochards, ce sont deux garçons qui sont au milieu de deux autres enfants, assez mal dans leur peau. Et puis surtout, ce sont deux enfants qui vont faire une rencontre incroyable dans leur jardin. Le jardin d'Elliot dans mon roman, eh bien, c'est un cimetière. Oui. Et on peut imaginer, je ne vous en dis pas plus, tout peut arriver, toute rencontre est possible. Le personnage d'Olia, pour moi, c'est E.T. quelque part, c'est-à-dire une jeune fille qui débarque d'on ne sait où et qui va repartir on ne sait où. Ça fait partie de ces personnages. C'est une jeune bosniaque qui a été enlevée, vendue par sa famille à un réseau de pickpockets qui opère dans Paris. Donc, c'est tout à fait. Le personnage est étayé, puisqu'il part d'un personnage réel. J'ai travaillé avec la police du métro de Paris, qui, au quotidien, donc, rencontre ces jeunes filles auxquelles il est très difficile de venir en aide. Telle que je le raconte dans le roman. Oui. Elles ont souvent des parcours très difficiles. Quand on essaye de les sortir des réseaux, eh bien ça capote. Et on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Et donc, c'était le but de ce roman, c'est d'être tout à fait fidèle à la réalité. Et on ne sait pas ce que devient Olia. Mais on peut l'imaginer. Et je pense que le lecteur a le droit de tout imaginer, y compris une jolie scène. Oui. Quoi, voilà. Moi, je l'ai vu partir et je me suis dit, mais jusqu'au bout. J'ai cru qu'il allait la retrouver. Mais peut-être qu'il va la retrouver. J'étais... Voilà. Bon. Okay. À vous d'écrire. dernière question. Si vous aviez un conseil lecture. Un conseil lecture, oui. Ce serait de lire les romans de Thomas H. Cook. Thomas H. Cook. Cook comme les vacances. Oui. Comment dire, c'est à la fois un grand ami, c'est une très grande et belle rencontre de ma vie de romancière, et c'est surtout un auteur hors pair de ce qu'on appelle de mysteries, de romans noirs extrêmement bien écrits, dans lesquels on va être persuadé de détenir la clé jusqu'à la fin, et à la fin, il nous retourne comme une crêpe. C'est magnifiquement écrit, je vous conseille Les Feuilles Mortes, par exemple. D'accord. Ou La Maison... Non, la... oui, c'est... mince, mémoire assassine, voilà. Okay. Je suis dyslexique, excusez-moi. Mémoire assassine, c'est magnifique, magnifiquement écrit, et voilà, il faut absolument l'avoir lu. Ok, alors je retiens. Ah bah oui. Est-ce que... Interro la prochaine fois. Je serai prête. Est-ce que vous avez un roman en cours d'écriture? Est-ce qu'on peut en savoir un peu? Alors, il y a deux projets d'écriture. Okay. Une dystopie, dont ce ne sera pas un roman noir, c'est en littérature générale, a priori. Et puis, un roman très personnel, qui sera un récit littéraire, dont le titre est « La reine des coquilles ». Et derrière ce titre, eh bien, se cache une petite fille dyslexique devenue romancière. C'est pas loin d'être moi. Mmh. Voilà. On verra. Ok, merci. Alors, je vous propose une deuxième pause musicale avec Adèle, Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in for. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child. Caprice de lecture sur Fadjet, l'essentiel de l'actualité littéraire. De retour dans Caprice de lecture avec Sophie Loubière. Sophie, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, une petite précision concernant en fait mes quatre derniers romans, Black Coffee, Wild Coffee, Cinq cartes brûlées, le prix Landerneau, voilà, j'oublie, et De cendres et de larmes. En fait, à la fin des livres, vous trouverez l'adresse d'un blog spécifique à chaque ouvrage sur lequel eh bien, le lecteur va pouvoir écouter la playlist du livre, donc écouter les musiques que je vous propose pour illustrer chacune des scènes, qui sont les musiques que j'ai écoutées moi-même en écrivant, les photos des acteurs et actrices qui m'ont inspiré les personnages, les anecdotes sur la façon dont l'histoire est arrivée dans ma tête, les faits réels dont je me suis inspirée, et puis aussi des tas de petites infos comme ça, glanées. C'est une sorte de making-of de mes romans, donc c'est un petit cadeau comme ça, voilà, cadeau pour les lecteurs et lectrices. D'accord, merci beaucoup. On va poursuivre cette émission, on va parler de l'événement littéraire et de lecture du début 2022, la nuit de la lecture, qui se déroule partout en France du 20 au 23 janvier 2022, qui a pour thème cette année « Aimons toujours, aimons encore ». Donc vous, Sophie, je crois, vous faites une intervention, si vous voulez nous en dire plus. Alors, ça va se passer à la bibliothèque municipale de Nancy, rue Stanislas, bibliothèque Stanislas. Alors, je n'ai pas la date exacte, mais normalement, il y aura une nuit consacrée à la lecture et à la mise en scène, de quelques-unes de mes nouvelles tirées du recueil « Un accident est si vite arrivé » qui est paru chez Pocket. Et donc, ces petites nouvelles vont être théâtralisées par la troupe de comédiens de la Roel. Voilà. D'accord, super. Et donc, je serai là pour les applaudir, évidemment. D'accord, merci. Pour le reste de l'actualité de cette nuit de la lecture, vous pouvez retrouver toutes les informations sur nuitdelalecture.fr. Donc, toutes les librairies, bibliothèques ou espaces où on peut offrir de la lecture peuvent organiser des manifestations. Donc, toutes les précisions sur www.nuitdelalecture.fr. Pour terminer cette émission, Le Caprice de la semaine. Alors c'est un livre de Marie Zimmer, c'est une auteure jeunesse, qui s'appelle Mémé d'avant. Alors c'est un tout petit livre qui est accessible pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce qu'il fait beaucoup réfléchir. Mémé d'avant, on ne sait pas, c'est une petite fille ou un petit garçon qui va voir sa grand-mère avec son papa, et puis elle voit que son papa est très triste quand ils vont la voir, et petit à petit elle comprend que sa grand-mère perd la mémoire. Donc au début, elle appelle son propre fils par son prénom, et puis petit à petit, elle l'appelle monsieur, et puis petit à petit, elle oublie comment il faut manger, et petit à petit, elle oublie comment il faut marcher, etc. Donc c'est un livre émouvant, évidemment, sentimentalement, parce qu'on assiste à l'évolution de cette maladie qui est terrible, mais aussi à la place de l'enfant, la façon dont c'est perçu. Donc c'est Marie Zimmer, aux éditions du Pourquoi pas. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Sophie. Merci à vous. J'espère à très bientôt. Moi aussi. À bientôt, au revoir.